Elle me dit je te trouve vraiment beau. Je lui dis c'est moi ou le Lambo. J'ai pas l'épée carambo. T'as sorti dans Nango. Je fume, je suis en pop smoke. Parano dans la cross lock. Pas de nous c'est con fuck. Je reviens encore, je finis l'autre broc. What the fuck, moi sans tel ami. Tu me mets la haine, mais tellement. Poto, c'est moi mon ennemi. Je m'en prends à moi seulement. Le cerveau il fume, comme oups, j'ai l'âme abîmée. Je piste la lune, je repense à combien j'ai trimé. Nique la grammaire à la thune, on finira pas notre vie habillée. J'ai grandi avec les lacunes, et c'est ce qui m'a fait briller. Je resterai le même, moi c'est tout. Je crois que tu fais des accents, c'est tu. Faut pas taquer les femmes, les épouses. Maintenant t'as plus personne, je t'avais dit. T'es vicieux, mais je t'aime bien malgré tout. J'ai tout évacué cet été. Fais pas semblant, gros, tu sais tout. T'es bizarre comme cette société. Petit de la rue, fais de l'avant. C'est plus comme avant. Je tiens la guitare, c'est un enfant. J'suis déçu à fond. T'es plein, le cœur déborde dans ce moment. Faut pas faire pleurer les mamans. On va pas où tourne le vent. Toujours devant. C'est la maquine. Je vais danser ta zina. Plus grand chose qui me fascine. Mais tu t'en pro assassine. Ma syriac, ma syriac. Je vais danser ta zina. Plus grand chose qui me fascine. Mais tu t'en pro assassine. Ma syriac. Si tu l'as manette. Le petit la canette, tu fais BZ sur BZ. Gary, tu pas net. Tu comptes les singles d'or. Quand je m'endors, à chaque fois je me dis que ça y est. Et la team, ils en demandent encore. Ça braque pour la survie. Sur le buzz, des gens se veulent surfer. C'est vous qui avez cherché. C'est normal, ça retombe sur vous. Sur vous, sur vous. Avant, tu me faisais pas ça. Herman n'occupe pas ça. Ça claque, je donne pas de réponse. Sinon, je vais les mettre en place. Mi casa es tu casa, hermano, hermano. Mi casa es tu casa. C'est la maquina, je vais danser ta zina. Plus grand chose qui me fascine. Le petit en proie assassine. Ma syriac, ma syriac. Je vais danser ta zina. Plus grand chose qui me fascine. Le petit en proie assassine. Ma syriac.